Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches sur Radio Fadjet de 11h à midi. Eh bien les amis, c'est très agréable pour moi de vous retrouver donc tous les week-ends pour vous présenter cette émission classique que l'on va ouvrir aujourd'hui avec un peu de la musique de Franz Beck. Ah, il n'est pas très connu. C'est un compositeur allemand. Il est né en 1734, il est mort en 1809. Il a eu une vie assez aventureuse, hein, parce que bon, il est né à Mannheim, qui est le berceau de la symphonie. Et puis, il s'est battu en duel. Croyant que son adversaire était mort, il a fui son pays et il est parti pour Venise. Là, il a rencontré Galuppi, avec lequel il a pris des cours, et puis il s'est enfui quelque temps plus tard avec l'une de ses élèves, qui avait 13 ans, lui avait déjà atteint la trentaine, et pour fuir évidemment les parents de la jeune fille, eh bien, il est parti en France, tout d'abord à Caen, où il l'a épousée, et puis à Marseille, où il a occupé différentes fonctions musicales, et enfin à Bordeaux, il est resté pratiquement tout le reste de sa vie, faisant jouer ses œuvres, occupant là encore des postes importants. Et puis sa musique a été jouée au Concert Spirituel à Paris, qui était la grande association de concerts parisienne. Il a d'ailleurs publié plusieurs volumes de symphonies. On va écouter un allegro d'une symphonie de Franz Beck, symphonie en mi majeur opus 13 numéro 1, avec le Northern Chamber Orchestra que dirige Nicolas Ward. Une symphonie de Franz Beck, symphonie en mi majeur, opus 13, numéro 1, avec le Northern Chamber Orchestra que dirigeait Nicolas Ward. Un peu de Saint-Saëns maintenant, avec une œuvre de Saint-Saëns que j'aime énormément, mais il y a beaucoup de pages de Saint-Saëns que je trouve sublimes. Mais là, Introduction et Rondo Capriccio, c'est vraiment parmi les plus capriccioso, c'est vraiment parmi les pages les plus belles de Saint-Saëns, écrites pour le violon et l'orchestre. Écrite d'ailleurs à la demande de Pablo de Sarasate, fameux violoniste espagnol qui était à Paris et qui avait déjà demandé un concerto pour violon à Saint-Saëns. Et Saint-Saëns ne s'est pas fait prier lorsque Sarrasate lui a demandé une nouvelle œuvre. Et il a écrit non pas un concerto, mais cette pièce qui dure à peu près 9 minutes, que l'on va écouter dans son intégralité. Bah oui, parce qu'à d'habitude, je passe des pages un peu plus courtes, mais là, je ne me voyais pas couper cette introduction et Rondo Capriccioso, parce que c'est une musique tellement sublime, tellement inspirée, élaborée, que je n'avais pas vraiment envie de la couper. Alors voici cette œuvre dans son intégralité, c'est l'opus 28 de Saint-Saëns, avec le violon de Leila Josefovics. Elle est entourée par l'Academy of St. Martin in the Fields, que dirige Sir Neville Mariner. Thank you. Magnifique interprétation, je trouve, de cette introduction et rondo capriccioso de Saint-Saëns, avec au violon Leila Josefovics, l'Academy of St. Martin in the Fields, c'était dirigé par Sir Neville Mariner. Et c'est une musique qu'on entend dans le film de Louis Malle, Au revoir les enfants, qui évoque la Shoah, qui évoque la déportation, film magnifique. Et on va écouter maintenant une pièce qui, elle aussi, est très souvent utilisée au cinéma. C'est la cinquième danse hongroise de Brahms que l'on entend dans le film Le Dictateur de Chaplin. Alors, ces danses hongroises, on devrait les appeler danses tziganes. Brahms avait découvert la musique des tziganes grâce à Édouard Emeny, qui était un violoniste hongrois. Et c'est improprement appelé tzigane, donc, parce que c'est vrai que c'est. Pardon, hongrois, parce que c'est vrai que c'est plutôt de la musique tzigane. Et donc, ce violoniste a fait découvrir à Brahms cette musique. Brahms a composé donc des danses hongroises pour piano à quatre mains. Il en a orchestré quelques-unes, mais pas toutes. Et puis, bon, évidemment, c'est une musique qui se prête beaucoup à diverses interprétations, divers arrangements. Alors, je vous en propose un, vraiment, qui aurait plu, je pense, à Brahms. C'est l'interprétation de l'ensemble tzigane de Roby Lakatos avec Roby Lakatos au violon. Thank you. Extraordinaire cinquième danse hongroise de Brahms dans un arrangement de Roby Lakatos avec son ensemble Zigane. Fabuleux, hein? Donc, vous écoutez Radio Fadjet, c'est votre magazine classique, discothèque classique. On est ensemble jusqu'à midi et on se retrouvera demain puisque notre émission est diffusée le samedi et le dimanche. Alors, on a écouté du Brahms arrangé, là, évidemment, mais on va écouter de l'authentique Brahms maintenant avec son quintette avec clarinette, opus 115. Alors, ça, c'est une œuvre sublime, vraiment. Ça fait partie des dernières compositions du maître, ce qu'on appelle parfois, à tort ou à raison, je ne sais pas, l'été indien de Brahms, parce que ce sont les dernières, vraiment les derniers feux de sa musique. Et c'est une musique qui est presque une berceuse, le début de ce quintet. C'est vraiment une musique très très douce, avec un thème magnifique, comme savait en composer Brahms, qui était un fabuleux mélodiste. Et je vous en propose le début de ce quintet, composé pour un clarinettiste, Richard Mühlfeld. Et on va écouter ce début de quintette de Brahms, opus 115, avec le fameux Karl Leister à la clarinette, qui fut longtemps clarinette solo de l'Orchestre Philharmonique de Berlin à la grande époque de Karajan. Et puis le Quatuor de Tokyo, toujours excellent. Thank you. Ainsi de suite, c'était le début magnifique hein, du quintet opus 115 avec clarinette de Johannes Brahms, Carl Leister à la clarinette, excusez-moi, et le quatuor de Tokyo, toujours excellent. Hein. Et on va continuer avec une nouveauté qui vient de paraître sous la belle Présence des compositrices, un disque consacré à Fanny Mendelssohn, la sœur de Félix, Fanny Mendelssohn Henzel, de son nom de femme, puisqu'elle avait épousé un peintre qui s'appelait Henzel. Né en 1805, décédé en 1847, son frère d'ailleurs ne lui survivra pas très longtemps, quelques mois seulement. Et Fanny Mendelssohn, ben évidemment, elle a été bridée parce qu'à l'époque, ça ne se fait pas. Une compositrice, une femme n'est pas compositrice. Son père lui a écrit que bon, elle pouvait faire de la musique autant qu'elle voulait pour son agrément, mais pas devenir professionnelle. Et même Félix, qui était son frère, donc dont elle était très proche, était vraiment un frère et sœur fusionnel. Eh bien, Félix lui a dit aussi, mais une femme, elle doit se consacrer à sa famille, à sa maison, tenir sa maison, comme on disait à l'époque. Bref, une femme ne pouvait pas devenir une artiste vraiment à plein temps, en quelque sorte, et vivre de sa musique. Elle nous a laissé un recueil qui est assez fameux, Fanny Mendelssohn, l'année, ça s'appelle, ce sont les 12 mois de l'année qu'elle a illustré en musique. Tchaïkovski fera la même chose quelques décennies plus tard. Et on a une superbe interprétation donc, qui vient de paraître sous la belle Présence des compositrices, qui donc rend hommage à toutes ces femmes de la musique, femmes musiciennes un peu oubliées, tombées dans l'oubli, mais bon, Fanny Mendelssohn est loin d'être oubliée depuis très longtemps. Et c'est l'interprétation magnifique, je trouve, de Marie Vermeulin. Ben, je vous propose d'en écouter un extrait de ce disque qui vient de paraître, et on écoutera plusieurs extraits de cet album dans nos émissions d'aujourd'hui donc, et de demain. Thank you. Alors, en écoutant cette musique de Fanny Mendelssohn-Hensel, eh bien, moi, je me disais, si je ne savais pas que c'est de Fanny, je me dirais que c'est de Félix. Hein. Leurs styles sont quand même très, très proches. Magnifique interprétation du recueil Das Jahr, l'année de Fanny Mendelssohn par Marie Vermeulen. Évidemment, j'avais choisi Mars pour ce premier extrait, mais on va écouter d'autres mois de l'année qui figurent évidemment dans ce recueil. Et ce disque va nous accompagner aujourd'hui et demain. Et donc, je rappelle, le label Présence Compositrice, magnifique travail autour des compositrices, leur musique si souvent oubliée injustement. Allez, on part vers un compositeur qui, lui, est loin d'être oublié depuis des années, depuis très longtemps, c'est Verdi. Verdi qui, en 1853, fait coup double, hein, parce qu'il compose et la Traviata et le Trouvère. Alors, le Trouvère, bah voilà, c'est un opéra qui se passe en Espagne. Enfin bref, ça se passe au XVe siècle, c'est une histoire un peu compliquée. Et il faut savoir que Verdi avait failli arrêter de composer, parce que ses deux premiers opéras avaient été des échecs retentissants. Et il faudra attendre Nabucco pour que bien Verdi s'installe dans le paysage lyrique avec un succès incroyable, un triomphe même, que ce Nabucco. Allez, voici le célèbre chœur des forgerons du Trouvère de Verdi avec l'Ambrosion Opera Chorus, le Philharmonia Orchestra, dirigé par Zubin Mehta. Discothèque classique, votre rendez-vous classique du week-end sur Fadjet les samedis et dimanches de 11h à midi. C'était le chœur des forgerons du Trouvère de Verdi avec l'Ambrosion Opera Chorus, le Philharmonie Orchestra dirigé par Zubin Mehta. Et on va continuer avec un peu de Debussy, un disque paru récemment chez Alpha Classics et qui nous propose le quatuor de Debussy, parce qu'il n'en a composé qu'un seul, et le quatuor, les deux quatuors de Szymanowski. C'est un compositeur polonais. Mais pour ce matin, on va écouter Debussy. Debussy, son quatuor, qui a été composé au début de la décennie 1890, créé en 1893. Et ce disque nous est enregistré par le quatuor Belcea, que j'adore. Quatuor Belcea qui enregistre donc désormais chez Alpha, mais qui, pendant des années, a enregistré chez EMI, Warner, et nous a proposé des enregistrements remarquables, notamment des quatuors de Britten ou encore des quatuors de Bartok. Donc vraiment, des musiciens qui s'intéressent principalement quand même à la musique du XXe siècle, mais pas que, et qu'on retrouve toujours avec plaisir, parce que chaque album de cet ensemble, le Quatuor Belcea, est évidemment très attendu des mélomanes. Voici le deuxième mouvement du Quatuor de Claude Debussy par le Quatuor Belcea. Un extrait du Quatuor de Claude Debussy par le Quatuor Belcea, un enregistrement qui est paru récemment avec les deux quatuors de Szymanowski. C'est paru chez Alpha Classics avec ce magnifique Quatuor Belcea que j'adore. Et on continue avec un peu de la musique de Johann Christian Bach. Alors encore l'un des fils de Bach, mais comme son père avait déjà 50 ans quand il est né, bah il l'a un peu moins connu. Donc, c'est un compositeur qui est né en 1735, mort en 1782. Et il a un peu bourlingué à travers l'Europe, hein, notre Johann Christian, parce qu'il a rejoint son frère à Berlin, puis il est allé en Italie, et surtout à Londres, où il a vécu très longtemps. D'ailleurs, on l'appelait le Bach de Londres. Et en 1764, eh bien, il a reçu le jeune Mozart, qui était âgé de 8 ans, et pendant quelques mois, même 5 mois même, il va lui donner des cours. C'est un, comment dire, un enseignement qui comptera beaucoup pour Mozart, qui jusqu'à la fin de ses jours, eh bien, aura vraiment témoignera d'une admiration et même d'une affection particulière pour Johann Christian Bach, qu'il avait donc bien connu. Il va mourir donc quelques années avant Mozart, notre Johann Christian. Et sa musique, évidemment, moins géniale que celle de Mozart, mais il y a quand même des choses très intéressantes. Par exemple, ses ouvertures, ce qu'on appelait ouvertures à l'époque, en fait, ce sont des symphonias vifs, lents vifs. On va écouter un extrait de l'une de ses ouvertures en ré majeur, la numéro 1 avec The Academy of Ancient Music et Christopher Hogood. Premier mouvement de l'ouverture numéro 1 en ré de Johann Christian Bach par The Academy of Ancient Music et Christopher Hogood. Et on continue un peu avec de la musique de Prokofiev, sa symphonie numéro 1, dite classique. Pourquoi classique ? Eh bien, parce que dans cette œuvre, eh bien, Prokofiev s'est amusé à rendre hommage à la symphonie du XVIIIe siècle, assez proche de ce que l'on vient d'entendre. La symphonie du XVIIIe siècle, à l'époque, on la connaissait sous la forme de celle de Haydn ou de Mozart, et il a voulu donc écrire une œuvre qui pastiche plus ou moins, enfin en tout cas qui rend hommage à cette période, et pour autant qui est profondément moderne. Et ça, c'est vraiment le génie de Prokofiev d'avoir réussi cet amalgame entre un style un peu ancien et puis une modernité. Voici le premier mouvement de sa symphonie numéro 1, dite classique, dans une interprétation enregistrée à Moscou en 1966 avec l'orchestre symphonique du ministère de la Culture soviétique, comme on disait à l'époque, dirigé par Gennady Rojdanovetsky. Très belle interprétation, je trouve, de cette symphonie classique numéro 1 de Prokofiev avec l'orchestre du ministère de la Culture soviétique, dirigé par Gennady Rojdanovetsky. Vraiment un disque remarquable, enregistré en 1966. On va retrouver l'album de Marie Vermeulin, consacré à Fanny Mendelssohn, avec son recueil Das Jahr, l'année. Je vous ai proposé tout à l'heure le mois de mars, et on va être logiquement maintenant en avril. Très belle interprétation donc de ce recueil de Fanny Mendelssohn et un disque, je le rappelle, publié sous la belle Présence Compositrice. Voilà, ça s'enchaîne avec le mois de mai, c'était Avril, tiré du recueil L'année de Fanny Mendelssohn dans l'interprétation de Marie Vermeulen, un disque que l'on retrouvera dans notre émission de demain. Allez, on va terminer avec Tchaïkovski, la conclusion du Lac des Cygnes, l'orchestre de Philadelphie, direction Eugène Ormandy. Conclusion du Lac des Cygnes de Tchaïkovski avec l'orchestre de Philadelphie, direction Eugène Ormandy. Et bien voilà, c'est terminé pour ce samedi. Bon, on se retrouve demain, vous le savez, à partir donc de 11h pour une nouvelle émission de discothèque classique, comme tous les week-ends de 11h à midi sur Radio Fadjet. Bon samedi à toutes et à tous et à demain.